C'était un gamin, un gosse de Paris. Sa seule famille était sa mère, une pauvre fille aux grands yeux flétris par les chagrins et la misère. Elle aimait les fleurs, les roses surtout, et le cher bambin le dimanche lui apportait les roses blanches au lieu d'acheter les joujoux. La câlinant bien tendrement, il disait en les lui donnant, c'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches que ton cœur aime tant. Va quand je serai grand, j'achèterai au marchand toutes ces roses blanches pour toi, jolie maman. Thank you.